tous. Bonjour à tous, on a une nouvelle émission radio des Mozos des Alus. Voilà, merci Nathan. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 27 quoi ? Juin, voilà. 2018. Voilà, et nous sommes en direct. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée qui va peut-être se présenter. Bonjour, je m'appelle Maya et je suis la grande sœur de Timothée, qui est aussi à la radio. Voilà, alors pourquoi Maya est là aujourd'hui ? Elle croit son mystère. Elle a trouvé la chanson mystère qui était ? Voilà. Maître Gims, tu vas me manquer. Je le savais. Tu savais quoi, Nathan ? Je savais sa musique. Bah oui, mais oui, tu le savais, mais oui, c'est sûr. forcément, Nathan. Il nous l'avait dit. Alors aujourd'hui, nous avons Steven, qui n'est pas là. Mais il sera là, dans 15 jours, hein, parce qu'on va dire à Marc quand même que la semaine prochaine, nous ne serons pas on va à repas par. Voilà, mais vous savez faire des manèges. Vous êtes parfait. Voilà. Alors inutile de crier dans les micros, Camille. Tu vois, je viens de te surprendre. Hein. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a une nouvelle chanson mystère que Maya nous a apportée. Donc, bouche cousue. Et on demande aux auditeurs d'appeler à quel numéro ? 06. Oh, c'est un portable maintenant. 03 40 40. Oh, il manque un chiffre là. 03 29 40 60 40 40. Bon, on va reprendre 03 29 62. Ah oui, 40 40. Voilà, et on écoute la chanson. On n'est pas à une bêtise près. Faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près. Faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Mes bonnes bêtises, je m'en souviendrai toujours. À croire qu'il y avait un concours du truc le plus interdit à faire un mercredi. Mes bonnes bêtises, elles ne sont pas si loin. Je revois encore le coin. J'y grattais pendant un bail la peinture qui s'écaille. Notre poésie, c'était pénal. Et sans corbeau et sans renard qu'on l'écrivait. À grands coups de pied dans un ballon. Une vitre en moins, je prends du galon. Je grandissais. À une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Les bonnes bêtises, c'était entre copains. Qu'importe si t'étais Rupin. On était tous légal, notre frangin de mandale. Mais les bonnes bêtises, on a beau les faire en pente. Y'a une règle dans la truande, c'est à celui qui s'y colle qu'il arrive des bricoles. Ma plus belle femme, sans aucun doute, celle du crapaud et du mammouth qui explose. Depuis que je l'ai touché au lance-pierre, ma petite sœur garde une paupière. Pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner aux portes et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Voilà, c'était la chanson mystère de Maya. Alors ici, tout le monde a séché, hein. Ah oui, c'est donc, dur. Bah écoutez, on dit rien, on verra bien. Peut-être que quelqu'un va appeler. Hein. Alors, on a préparé lundi, bien sûr, en commençant par quoi ? Foot. Oh bah bien sûr, alors le foot, hein. On est en plein dedans. Alors, qu'est-ce que vous avez comme résultat à donner ? Vas-y, Juliana. La France et le Danemark, ils ont joué hier, ils ont 0-0. Match nul. Ouais. Christopher ? Ouais, c'est nul un peu. Le foot. Non, mais ça, c'était hier. Mais est-ce que vous avez d'autres résultats à donner ? Ah oui, il y a aussi le match de foot de hier soir, de 20h. Ben, c'est le même. Non, c'est un autre. Ah, c'est un autre, alors vas-y. Entre, je sais plus comment ça s'appelle. L'Argentine. L'Argentine, Marc, oui. Et il y a... Ah, c'était pas le Nigeria ? Et j'étais peut-être, il était égalité. C'était égalité ? Non. Non. 2-1 ? Il y a eu un but pour l'Algérie et deux buts. L'Algérie ? Oh, c'est plus nous. Attends, c'est Argentine avec le drapeau bleu ? Non, pas le drapeau bleu. Ah non, le drapeau bleu avec les trois blancs. Avec les blancs. Ça, c'est attends. L'Argentine. L'Argentine qui a gagné. Qui a gagné. 2-1 contre le Nigeria. Voilà. Et donc, la prochaine fois, la France doit retrouver l'Argentine. Oh, purée. Samedi. Alors, est-ce que ça va pas être très chaud pour nous Si, je crois qu'elle aura des fautes. Je sens l'Argentine, ils vont gagner. Oui. Moi, je sens qu'on aura beaucoup de fautes. Je pense que les Français feront pas le poids. Non. Si, sûr qu'on arrivera. Je sais pas. Ah, Timothée, il est sceptique. Vas-y, dis voir, Timothée. Un peu moins. Un peu moins. Et Maya, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que on va peut-être perdre. Ah. Il faut mettre des nouveaux joueurs. Ils sont forts, l'Argentine. Faut mettre des nouveaux joueurs. Elle a dit ma chauffeuse que hier Mbappé jouait pas parce qu'ils vont le garder pour samedi pour qu'il joue. Vu qu'il joue bien, il a dit. Mbappé. Ah. Oui, Mbappé. Ah, ça va être le sauveur, lui, alors. Oui, il a 19 ans. Oui, mais ça va être le sauveur pour samedi, alors. Numéro 10. Ben, si tout tient à un seul joueur, on est mal parti, quand même. Hein. Il joue bien, quand même. Il a marqué un but. Alors, vous aviez donné d'autres résultats, aussi. L'autre fois, il a marqué un but, Mbappé. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que vous aviez donné comme autre résultat ? Du foot ? Oui. Vous aviez dit qu'il y avait l'Angleterre-Panama. Ah, qui c'est qui a dit ça ? 6-0. Non. Japon-Sénégal. 2-2, voilà, bien Camille. Pologne-Colombie. 3-0. 0-3, ouais. 0-3. Ouais. Alors Maya, est-ce que tu suis les matchs de foot ? Je suis, oui, bah, quand il y a la France, je regarde. Sinon, les autres... Pas trop, quoi. Pas trop. On va regarder les autres équipes, voir qui va en finale, tout moi ça. Moi aussi. Oui, Timothée. Moi, je regarde les autres équipes aussi. C'est bien, Timothée. C'est j'en sais qui va en finale. Parce que si jamais la France ne va pas en finale, il va falloir se rabattre sur une autre équipe. Oui, parce moi, que... je choisirai une autre. Justement, c'est les joueurs. Vous avez déjà une idée de qui... Le Portugal, avec la copine à mon frère et mon frère. Tu voudrais continuer à suivre le Portugal, toi ? Et Camille, si jamais la France perd ? Non, pas d'idée. Nathan ? Pas d'idée. Si la France perd, bah, ce serait plus facile, la France entre Maroc. Toi, tu suivrais le Maroc ? Non, j'aurais pas suivi le Maroc, j'aurais suivi la France. Et le Maroc l'aurait perdu, la France aurait gagné la finale. Oui, mais si la France perd ? C'est con. Est-ce qu'il y a une équipe que tu rives ? Est-ce qu'il y a une équipe que tu vas continuer à suivre ? Non. Bah, il faudra attendre l'année prochaine pour qu'ils re-suivent. Non, il n'y aura pas la Coupe du Monde l'année prochaine, Nathan. Non. Faut attendre. Il y aura une nouvelle Coupe. Oui. Attendre en 2019. Christopher. Oui. Si la France perd, est-ce qu'il y a une équipe que tu vas suivre ? Je sais pas laquelle. T'as pas d'idée. Et toi, Maya ? Bah, moi, j'aurais dit le Pérou, mais je sais pas s'ils sont qualifiés. Alors. On va demander à Marc. Si je raconte pas de bêtises, non, je crois qu'ils sont pas qualifiés. Ah. Ah bah, je sais pas du coup. Et toi, Timothée ? Si la France, elle gagne, il y a... Non, si elle perd, Timothée. Ouais. Ouais. Qui c'est que tu vas suivre comme équipe après ? Le Pérou. Le Pérou, mais... il aurait déjà perdu le Pérou. Non, pas le Pérou, le... Attends. Nigeria. Le Nigeria. Ils sont déjà éliminés. Ah, ouais, ils sont éliminés. Moi, j'ai regardé le foot. Toi, Timothée, moi, je suis comme toi. Hein, je suis pas trop au courant au fait de tout. Hein. Tu peux suivre aussi le Portugal. Parce que le Portugal, c'est fort, Portugal. Non, ouais, mais je crois que Timothée, il y pensera. Ouais, moi, je prends le Portugal. Allez. C'est vrai. Il a dit Portugal. Portugal. Oui. Mais par contre, s'il gagne... La France. Ce sera les deux. Ce sera les deux. Tu continuerais, oui. Et bon. Corinne. Oui. S'ils changent les joueurs au foot, s'ils mettent des nouveaux joueurs qui vont très vite, ça pourrait aller. La France. S'ils mettent des joueurs qui vont plus vite. Oui. Tu crois que les meilleurs ne sont pas déjà en train de jouer? Non. Pas trop les meilleurs, il faut mettre les meilleurs. Il faut mettre les meilleurs. Hein. Ceux qui envoient bien la balle très haut, ceux qui arrivent bien la balle et ceux qui lancent bien les buts. Mais alors ceux qui jouaient jusqu'à maintenant, non, c'est pas terrible. Faut un peu les changer. Faut les changer, ouais. Ceux qui attaquent, il faut les changer aussi. Qui? Ceux qui attaquent, qui défendent. Les attaquants. Ouais, il faut les changer aussi. Mais il y a souvent des changements pendant les matchs. Ah oui. Oui. Tu sais, pour vraiment faire un vrai joueur de foot, il faut s'entraîner depuis très longtemps et tu deviens un joueur et tu joues au foot. Alors, on ne vient pas de footballeur professionnel comme ça, Nathan. Hein. Ça, c'est bien vrai, Nathan. Hein. Ouais, il y a des échelons à gravir. Hein. Bah, il faut s'entraîner. Bon, on va peut-être arrêter sur le foot parce qu'on a quand même une invitée. On va s'intéresser à elle. À Maya. D'accord. Alors... Moi, j'aimerais bien que ce soit Timothée qui pose sa première question parce qu'elle est de circonstance, là, pour commencer. Est-ce que t'aimes bien... Oh, c'était pas ça, Timothée, hein. Attends. Est-ce que... Tu es contente. Tu es contente d'être là. Oui, je suis très contente d'être là. C'est la première fois que je vais à la radio et ça me fait très plaisir d'être avec vous. Super. Ensuite, Christopher. Est-ce que tu fumes? Oh non, je ne fume pas. Non, voilà, je fume alors pas. Christopher, c'est toujours assez hard de ces questions. Non, je ne fume pas. Oui, pas fumer, hein. Juliana. Quel âge as-tu? Je vais bientôt avoir 17 ans. As-tu des amis? Oui, j'ai des amis. J'en ai à l'école. Nathan, tu veux poser une question? Oui. As-tu la télé? Oui, j'ai la télé chez moi, oui. Oui, sinon je pourrais pas regarder le foot. Nathan. Ah oui, mais toi tu avais écrit, regardes-tu la télé et quelles émissions, Nathan? C'est ça? Oui. Ah vas-y, formule ta question. Quelles émissions tu regardes? Quelles émissions je regarde? Alors, le midi avec maman, je regarde les 12 coups de midi. Mmh. Ou sinon, je regarde les émissions où ils construisent des maisons. Voilà, j'aime bien. La 17, ça veut dire la 17? Je connais. De quoi? La 17, c'est bien. Ça vend des sauces. Oh, je regarde pas la 17, moi. La 22. La 17, c'est bien parce que tu vends beaucoup de sauces. Et aussi, tu as des vieux objets que tu gagnes beaucoup de sous. Ah bon? Ouais. Ah bah, la je regarderai 22. Alors. On va peut-être pas c'est faire go. De pub pour les chaînes de télé, parce que Radio Gémozo, on fait pas de pub. Hein? Mais non, de la fausse pub. De la fausse pub. 17, 25 et tout ça, non. D'accord? Mais de la fausse pub. Voilà. C'est de la fausse question, pub. La question, c'était pour Maya. Elle t'a répondu. Hein? Voilà. Ensuite. Oui. As-tu un fiancé? Alors, j'ai pas un fiancé, mais j'ai un petit copain. Voilà. Tu veux pas dire un petit copain, tu veux dire un petit ami? Oui, voilà, un petit ami. La fiancée, c'est solennel, hein, Juliana. Oh là là. Elle va à la messe maintenant. Ah, on va à la messe quand on est fiancé? Hein, Christopher? Vas-y, Juliana, continue. Vas-tu passer ton permis? Alors, je veux passer mon permis, mais pour l'instant, il faut d'abord que je passe le code avant de passer le permis. Je vais bientôt m'inscrire. Regardes-tu le foot? Oui, je regarde le foot. Ouais. Avec Timothée. Quelle est ton équipe préférée? Ah bah la France. Ensuite, oui, ah, vas-y Timothée. Vive le bleu, blanc, rouge. Bon, de la pub comme ça, on peut faire, hein. Vive le bleu, blanc, rouge. Hein? Bleu, blanc, rouge. Alors, Nathan, vas-y voir. Fais-tu des sorties en montagne à où déjà fait du pédalo? Alors, j'ai déjà fait du pédalo avec mon papa sur le lac de Gérardmer. Et sinon, oui, je vais me promener avec ma maman, des fois, en forêt, dans la montagne. Tu vas, toi? Ouais, des fois, pendant les grandes vacances. Parle devant le micro. Pendant les grandes vacances. Oui, le pédalo aussi. Oui, avec ma sœur, mais je sais pas quand. C'est en été qu'on va faire ça. Ah, tu l'as pas fait encore. Si, j'ai déjà fait au moins plein de fois, mais c'est en été. Quand je serai en vacances. On n'est pas en été, là. Si, on est en été, quand on sera dans les grandes vacances, que je dis les grandes vacances d'été, on va juillet. Oui, j'ai compris. Christopher, à toi. Est-ce que tu mets musique à fond? Non, je mets pas la musique à fond parce que ça fait mal aux oreilles après. T'as une autre question? Non. Ah si, un autre truc. Ah. Je sais plus. Ah ben. Viens voir Christopher, parce que depuis là, je vois pas. Ah, regardes-tu? Non, aimerais-tu faire Koh-Lanta? Koh-Lanta. Koh-Lanta. C'est pas Koh-Lanta, c'est Koh-Lanta. Oui, bon. Alors, si j'aimerais faire Koh-Lanta, j'ai peur des sauterelles, alors du coup... Pas de sauterelles là-bas. Je sais. Dans la forêt, il y a plein de bêtes. Attends, on laisse parler. Puis, j'aime pas les noix de coco, j'aime pas les bananes, j'aime pas le poisson. Donc, logique. Tu vas mourir de faim. Christopher, est-ce que toi, tu aimerais faire Koh-Lanta? Ah oui. Ah oui, t'aurais pas peur, toi. Ah, des épreuves, c'est trop bien. Quoi, avec les insectes, tout ah, ça. Ah ouais, c'est bien dormir à la belle étoile. Oui, je voudrais bien voir ça. Tu vas mourir dormir par terre. Ah ouais. Oui, mais en Koh-Lanta, ils mangent des asticots, Koh-Lanta. Ah. Bah c'est vrai, c'est... J'aimerais pas toilette, c'est dans Koh-Lanta, dans la forêt. Là, j'aurais mangé de la noix de coco. J'aime bien la noix de coco. Alors, il y a encore une autre question de Christopher, je la lis. Ouais. As-tu une télé dans ta chambre? Oui, j'ai une télé dans ma chambre, mais j'ai pas la... en fait, je peux regarder que des films avec. Oh, j'ai dit... Dommage. Parce que toi, tu as... Moi, j'ai une télé dans ma chambre. Moi, j'ai ma télé, mais moi, j'ai ma console. Et je peux même jouer à mes jeux, et je peux même jouer regarder des films. Est-ce que c'est bien une télé dans une chambre? Oui, c'est bien, tu peux t'amuser. Qu'est-ce que t'en penses, Maya? Oh, moi, je préférerais qu'il n'y en ait pas. Voilà. Moi j'en ai une, c'est moi. Hein. Bah, c'est bien dans la chambre, tu t'amuses à tout le monde. On parle pas tous en même temps, s'il te plaît. Voilà. Pourquoi c'est bien? Déjà, on a des trucs à toi, ensemble. Des trucs à toi? On a eu foot, comme ça. Ouais. Et puis jusqu'à quelle heure? À minuit. C'est pour ça que t'es pas trop réveillé des fois le matin. Hein. Mais on a pas jusqu'à minuit, moi, le foot. Oui, Timothée? Moi, j'ai pas de télé dans ma chambre. Ah. Et t'aimerais en avoir une? Oui, c'est possible. Oui. C'est possible. Attention, abusé. Timothée, je te donne la mienne, mais la mienne, elle marche presque plus. Je te donne la mienne parce qu'il y a un problème au bouton. Dans quel cadeau faut, en fait, quand t'appuies super fort, il faut avoir une bonne technique. Oui. Enfin, il y a un problème dans mon bouton. Elle commence à dire. Je vais aller taper avec une hache. On a. Non, c'est que je mets que le pied dans la vie d'un télé. Et Juliana, est-ce que tu as une télé dans ta chambre? Non. Et Camille? Non. Eh ben c'est bien. Moi je dis que c'est bien. J'ai la seule à avoir une télé. Moi je sais. Alors, as-tu des cours? As-tu fait des cours? Oui, alors je vais à l'école, j'ai des cours, mais là je suis en vacances. Moi j'ai fini l'école parce que j'ai passé mon bac de français. Oh. Est-ce que tu as passé le BSR? Le BSR. Le BSR. Oui, de la moto. Oh non, je l'ai pas ça. Parce que j'aimerais pas faire de la moto. Mais c'est trop dangereux. Bah bon, mais c'est facile, si tu n'arrives pas à faire de la moto, tu fais de scooter. Ouais. Mais le scooter, tu vas pas tomber. Tu tombes juste dans les petites montagnes, tu te fais pas mal. Tu te mets juste des protections aux pieds, tu mets un casque. Tu sais faire du scooter? J'ai pas encore le BSR. je sais pas, peut-être j'aurai une moto plus tard. Ouais, peut-être, oui. Alors justement, Maya, la semaine dernière, on a longuement parlé du bac. Christopher, il disait, c'est stressant, on n'est pas bien. Est-ce que c'est vrai? Alors moi, j'ai passé le bac français et le bac sciences. Ah. Et non, ça va. Juste, j'ai pas trop stressé. Bah hier, si, un petit peu quand même, parce que... Ah oui. Je devais parler devant une dame pendant 20 minutes. Du coup... C'est quoi ça? Oui, j'avais raison. C'est quoi? Tac. La voix orale. Ouais, t'as une feuille, tu dois dire la. Les oraux. Les oraux, ouais. Voilà, oui. Et c'est ce que Maya explique, là, c'est défendre un test. Dans quelle classe? Je suis en première, je vais aller en terminale. La première. À la rentrée. Première de la classe. Mais non, je peux dire pas première de la classe. Ça voulait pas dire ça. Maya? Attends, Nathan, parce que la semaine dernière aussi, on a parlé des classes. Rappelle-toi que ce qu'on a dit. Je sais pas. Quand on prépare le bac, il y a 3 classes. Oui, Nathan, vas-y. Ensuite, il faut beaucoup travailler. Non, les classes. Il y a la première. Ah, il y en a la une deuxième. Avant. Il y en a une avant. Seconde. Seconde. Après. La deuxième. Non, première. Et. J'ai jamais entendu la deuxième. Tu l'as dit la semaine dernière. Terminale. Ah, voilà, terminable. Voilà, tu te rappelles, Christopher? Ah oui. Bah oui, hein. Une dernière question. Au cours, ça a interdit d'avoir les téléphones, parce que des fois, on triche avec le téléphone. Ouais, moi, c'est interdit. Et les profs ouais. voient très bien quand tu as un téléphone. Ouais, bah moi, je l'utilise pas en cours, mon téléphone. Hein. C'est mon interdit. Mon frère, il a fait une fois. Une heure de colle. Mon frère, il a pris son téléphone, mais il a pas triché. Il a joué à Similar War au cours. Et mon frère, le prof de mon frère, il croyait que tu avais joué à ton téléphone, mais il l'a repris, mais même qu'il avait joué à son jeu. Voilà, alors Nathan, on va revenir à Maya, merci. Hein. Maya, justement, puisque tu es là, que tu es dans les années du bac, on a aussi parlé la semaine dernière de ce qu'on n'avait pas le droit d'emmener aux examens. Alors il y a eu bien sûr le téléphone, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cigarette. Oh, pff, qu'est-ce qu'on fait? C'est interdit aux cigarettes, on n'a pas le droit de fumer pendant qu'on fait le bac. Ça. Alors, il y en a qui disaient des crayons, mais je pense un crayon. Oh oui, bon. Non, c'est pas interdit les crayons. Ah oui, plusieurs sortes donc. Ouais, voilà. Et les feuilles, c'est celui... C'est eux qui nous les donnent, les feuilles. Voilà, donc on n'a pas le droit d'en amener de chez nous. Et après, il faut ranger la trousse dans le sac, pour être sûr qu'on ne triche pas. Parce que si tu amènes un paquet de feuilles, tu peux aussi amener des antisèches. Hein, ouais. Oh oui. Christopher. Le tris. Christopher cherchait toutes les stratégies pour passer le bac. Non, avec un mec sur sa main. Ah, sur la main aussi. Ah ouais, mais il peut voir quand il passe à côté. Maintenant, comme ça. Tic, tic, tic, tic, tic. Et tu mets un monstre long. Mais le problème, c'est que si tu as des antisèches ou des aides, qu'est-ce qui se passe si tu es surpris en train de tricher? Il me semble que c'est interdit de passer le bac pendant 5 ans, quelque chose comme ça. C'est grave, hein? Tu as vu, Christopher? Ouais. Eh oui, hein? Là, t'as tout perdu, hein? Oh, mince. Hein, à vouloir tricher. Bon, pour tes bêtises. Bah oui, ça, c'est ou tu notes sur ta jambe, les antisèches? Sur la jambe. Je vais... Ah, mais quand short, tu triches quand tu fumes. Là, tu fais comme ça, hein? Tu non, fais croire que c'est des tatouages, hein, c'est ça. Corinne, quand tu fumes, c'est de la triche quand tu fumes. Oh. Ben, au lycée, quand tu passes le bac. Non, qu'est-ce qu'elle a dit, Maya? Elle dit quoi? Que c'est interdit de fumer. C'est interdit, ouais. C'est eux qui te les donnent. Mes cigarettes? Ah non. Ils te donnent des cigarettes avant de rentrer. Tiens, une clope. Non, on n'a pas le droit de fumer dans la salle. Si, tu sais, tu fumes en salle, mais tu mets un sac derrière et tu fumes. Et tu fumes, t'as elle arrête de fumer, Nathan, n'oublie pas. T'as arrêté de fumer, tu arrêtes de fumer, tu prends ton truc de tabac, tu jettes ton truc de tabac au sous de ton sac. Nathan est très futuriste, hein, donc... Tu jettes des tabacs dans le sac. Eh bien, on va passer une chanson, hein, pour faire une pause. Ça doit être la chanson de Nathan. Tu te rappelles, c'était qui que tu avais choisi? Marianne Hila. Voilà, ça doit être ça. On va laisser le temps à Timothée, hein, de trouver. Voilà. Didn't even really wanna go, but if you get me out, you get a show. There's so many bodies on the floor, so baby, we should go and have some more. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it down, did it down, did it down, down, down. Everywhere I look at people's hands, thrown up in the air to help them dance. Come on, baby, catch me if you can. I know you don't have any other plans. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it, down, did it, down, did it, down, down, down. Are you? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down? Are you down You know we could put them all to shame. Now isn't the time to play it safe. Isn't this the reason why you came? So, baby, don't you let it go to waste. Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it down, did it down, did it down, down, down. Every single thing is feeling right. So, started as a quiet Friday night. I don't really think that we should fight this. What if we don't stop until it's light? Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Are you down, down, down, down? Ah, voilà, et bien on est encore en train de discuter le bac et tout. Hein? Des idées tristes. Tu disais quoi? Des idées tristes. tu m'as fait dans la soussure, pas cette voix. Christopher cherche tous les anti-sèches possibles dans les chaussures, dans les cheveux. Les anti-sèches au lycée, tu fumes devant les profs. Non, arrête avec je fume, tu fumes. Non, on n'est plus là, hein, Nathan. D'accord, on continue les questions. Vas-y, Juliana. Celle de Steven. As-tu des devoirs? J'en avais, oui. Bah, vu que là, je suis en vacances, j'en ai plus. Mais quand j'étais à l'école, oui, j'avais plein de devoirs. Au collège? Au lycée, ouais. Ouais, parce que... au collège aussi, j'en avais. Mais là, je suis au lycée, donc... Ah, pourquoi tu ne vas pas au cours? Pourquoi tu ne vas pas au cours? Oui, j'ai des devoirs quand je ne suis pas en cours. Mais là, je suis en vacances, du coup. Ah oui, mais ça veut dire que tu as tout le temps en cours. T'as tout le temps, t'as jamais de devoirs. Ah si, c'est tout le contraire, Nathan, qu'elle vient de dire, Maya. J'ai des devoirs quand je suis à l'école. Ils m'en donnent plein, des devoirs. Bah, mon frère aussi, il en donne beaucoup, des devoirs, mais là, il en donne plus beaucoup. Vous aimeriez avoir des devoirs? Oh non! Moi, je pense que ce serait bien pour vous. Ah oui! Oh non, moi, j'aimerais bien avoir des devoirs. Plein de devoirs. Oh non! Comment? Pour Christopher. Ah non! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir des devoirs? Et pour Timothée aussi. Et moi, j'ai envie de travailler. Timothée aussi, tu aimerais des devoirs le soir? Non. S'appelait Maya. Écoute bien. Je vais te faire des dictées pendant les vacances. Oh, pour les dictées. MDR. Mais peut-être que vos parents, ils aimeraient bien le soir que vous ayez un peu de devoirs. Oh non, pendant le foot. Oh non, parce c'est que tu fais. Elle veut pas nous en faire. Elle veut pas. Mais en fait, tu demandes, elle dit toujours non. Genre, en fait, des devoirs. Ah, vous voulez des devoirs? Mais j'ai dit pas. Non, pas moi. Si vous travaillez. Vous démerdez, moi je m'en vais. Hein. Christopher, si tu fais pas tes devoirs, mais quand tu seras beaucoup plus grand, quand tu seras majeur, t'apprendras rien du tout. Oh. Tu parce que comme... c'est à la majorité qu'on apprend. Mais non, si tu fais beaucoup tes devoirs pour toute ta vie, tu t'apprendras beaucoup à lire, écrire son modèle. Oh. Et après, est-ce que tu fais ton appartement? Ta maison? Non, vivre dans la forêt. Dans les cartons. Oh là là. T'es déjà dans les cartons, toi. Non, pas moi, non. J'aimerais pas dans les cartons, j'aimerais ma maison. Donc, vous aimeriez des devoirs, en général. Oui. Pas moi, sauf pas Christopher, moi. Christopher, qui est adepte de la télé. Hein. Donc, pas moi. Moi, je dis bye-bye. Bye-bye, les devoirs. Et comme ça, Corinne... Ah bon, on va dire bye-bye, t'es devoirs, on va dire bye-bye, maman. En faisant les devoirs, quand il y aura le foot, j'écouterai le foot. Là, on comprend pas ce que tu dis, Juliana. Je dis, vous écouterez le foot. Et j'écouterai le foot en même temps. Tu fais les deux en même temps, quoi. Ouais, j'aime bien. C'est compliqué, ça. Hop. Alors là, vous avez eu vos bulletins scolaires aussi. Ça, c'est important quand même. Hein. C'est un diplôme. Ah non, c'est pas un diplôme. Ça veut dire c'est quoi bulletins, c'est des relevés de notes. Pas de notes, ou c'est pas des notes, c'est plutôt des appréciations. Alors, est-ce que vous étiez content? Oui. Oui. Bah, vous pouvez. Hein. Oui. Vous avez bien travaillé? Oui. Oui. Mais Timothée? Timothée, pas trop. Timothée était plus avec nous, ça y est, on l'a perdu. Ah, tu es où, Timothée? Ah, des Pokémon. Si, je suis avec vous. Ah. Qu'est-ce que tu as pensé de ton bulletin scolaire? Est-ce que tes parents étaient contents? Oui. Ah oui, hein. Et vous aussi, non? Oui. C'était positif quand même pour tout le monde. Ah oui. Oui. Oui. Ouais. Mmh. Allez, vas-y, Juliana, continue pour Maya. Passes-tu la tondeuse chez toi? Non, en général, c'est papa qui passe la tondeuse. Moi, j'ai juste essayé, mais ça fait mal au bras. Alors, du coup, je laisse papa Maya faire. Tu peux dire Timothée, puis faire la tondeuse. Oui, Timothée aussi. Ça, c'est pour rigoler, parce que moi, quand c'est mon frère, je commence à rire. Timothée, est-ce que tu passes la tondeuse chez toi? Moi, je passe la tondeuse, mais avec mon papa. Ah, tu tiens avec ton papa? Oui. Ah. On pousse nous deux. Ah, moi, parce qu'il faut la pousser, c'est pas une auto-tractée. Oui. Oh, bah oui, là je te comprends. Timothée, je te prête la vieille rouge, je te la prête, elle marche super bien. Bah, il faudra dire à tes parents qu'ils investissent dans une auto-tractée, comme ça tu pourrais la passer tout seul. J'ai une super idée. Oh non. Oh non. Ça coûte trop cher. J'ai le courage. Corinne. Attends. Pas tu aimerais parce... pas? Non, parce qu'il faut tirer comme ça. Ah oui, bah c'est... pour la démarrer, mais après... Oui, mais ça fait mal au bras. Oh, ça dès le démarrage, ça fait mal au bras. Oui, voilà. Ça se démouche. Vous marrez, hop. Oui, Nathan. Tu sais, tu achetais une tondeuse sans tienne, une tondeuse automatique qui coupe toute l'air tout partout. Ah, une tondeuse robot. Les robots, ah oui. Ouais, c'est trop bien ça. Oui, mais après, il faut que ton terrain il soit bien délimité, hein, parce qu'autrement, ta tondeuse, tu vas la retrouver chez le voisin. Hein. oui, Nathan. Hein. Allez, vas-y, Juliana, continue pour Maya. As-tu un téléphone portable? Oui, j'ai un téléphone portable. Et vous en avez un? Non, moi j'irai quand j'irai. Moi, je l'aurai à 15 ans, mon téléphone. C'est bien. Toi, tu en auras un quand tu auras 13 ans. 14 ans. Ah, parce que tu as 13 ans, alors ça y est, tu passes à l'année prochaine, 14 ans. J'en ai rien. T'as un iPhone 7? Ouais, peut-être. Tu m'as envie de te voler. Alors Maya, à quel âge tu as eu ton téléphone portable? Moi, je l'ai eu en 4e. Alors, je devais avoir 13 ans. 13, 14 ans, ouais. Ah, j'ai l'âge pour l'avoir. Mais vous, qu'est-ce que vous feriez avec un téléphone portable? Je travaillerai dessus, moi. J'appellerai ma soeur. Moi, je piraterai mon... Ah, Timothée, il a une idée. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais, toi? Non, mais je frottais mes mains comme ça. Ah oui, c'est tout. Moi, je sais. Moi, j'ai un téléphone, mais je vais pirater. J'ai tout piraté, tout le monde. Maya, toi, quelle est ton utilité d'avoir un téléphone portable? Alors, c'est pratique pour à l'école, si j'ai un problème, ou si par exemple, j'ai plus d'école, bah, je peux appeler maman pour qu'elle vienne me chercher. Ou, ouais, voilà, je parle avec mes amis aussi, mais... Je suis pas tout le temps sur mon téléphone parce que c'est pas bien. Tu joues à Smash Bros? Non, je joue pas à des jeux. Voilà. C'est la différence. Bah, c'est bien jouer à des jeux. Juste avec ma maman, un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. À Pokémon Go. Quand on est à l'école, on est à l'école, Nathan. On n'est pas pour être sur son mais téléphone. Mais non. Quand t'as fini cours, quand t'as plus cours, quand t'as la récré du lycée. Ah, moi, je m'en sers pas au lycée de mon téléphone. Même pas au récré? Non, même pas au récré. À midi aussi? Non, j'en ai pas besoin. C'est quand tu lançais pas de boule de neige à la récré aussi au lycée. Alors, est-ce qu'il y en a pendant la récré, Maya, qui sont sur leur téléphone portable? Oh, avec... oui. Il y en a qui sont tout le temps sur leur téléphone. Ils se parlent même pas, ils sont tout le temps sur leur téléphone. C'est le gros problème. Ça va être des messages. Hop, ouais. Hop. Ils s'envoient des messages alors qu'ils sont juste à côté. Vous trouvez que c'est bien, ça? Bah oui, c'est bien. Bah c'est pas comme ça qu'on se fait des amis, Nathan. Hein. Faut se parler. Bah non, ils jouent à des jeux en ligne sur leur 4G avec leurs amis. Ouais, bah... Ils auront peut-être pas des messages. Soit ils jouent aux jeux en ligne avec leurs amis. Ouais, mais c'est mieux de parler en vrai avec les gens, pas sur le téléphone. Bah, c'est mieux de parler en vrai avec leurs amis. Jouer à des jeux, jouer en ligne, c'est mieux, ça. Oh, bah non. Bah pour toi, tu vois, mais là, la majorité dit non. En multi, c'est mieux. Et bah comment triste cette téléphone. On va mettre un bout de papier, hop. Merci, t'as. On passe en dessous de la table à midi, hop. En vrai, tu triches, mais avec le travail. En fait, tu triches. Comment on fait pour travailler au lycée? Tu cries travail lycée, comment on fait les notes? Il va t'aider, tu caches ton téléphone bien en dessous d'une trousse. Et quand ça, c'est ton prof, ça ne sache pas. T'as ton téléphone. Ils sont à fond sur la triche. Toujours. Et Maya, est-ce qu'elle trichait à midi pour ton téléphone? Attends, attends. Non, il n'y a personne qui trichait. Il mettait des mots dessus. Non. Ton prof va le voir. Toi, tu penses qu'il y avait des tricheurs? Ah oui, qui mettaient des mots dessus. Dans la salle, non, dans ma salle, il y avait pas de... Ou c'est plutôt toi qui triches, Christopher? Tu tricherais, toi, Christopher? Ouais, je mettrais le mot de ma poche. Hein, Il t'aurait pas dans la poche. Ouais, les dans l'oreille. Content sur ta discrétion, à mon avis, tu ferais pas le feu dans la salle. Si, ils feraient pas les poches. Ils vont pas mettre la main dans la poche. Oui, mais toi, quand tu vas sortir le papier, tu crois pas qu'il va te voir le surveillant? Non, c'est comme ça. Hop. Juste à coller. Quelle discrétion. Trouve une excuse, tu vas tomber mon crayon. Tu ferais semblant de chercher ton crayon. Ouais, par terre. Ouais, par terre. C'est ce que je vous dis. Ah oui, puis en même temps, oui, tu regardes. Non. En fait, tu vas prendre ton crayon, tu fais comme ça, et tu crois, tu fais. En fait, tu écris texto, mais en fait, tu cherches ton crayon, tu fais comme ça. Toi, t'écris un texto, quand même. En fait, tu vas sur internet, tu écris message, tu écris, et ton prof, tu sais pas, tu prends un crayon, tu sors ton crayon de papier. Oui, vas-y. S'il voit pas Christopher se lever, il faut regarder qu'est-ce qu'il fait. Bah non, tu fais un petit. Non, jette les mots sur un autre. Dis-lui à tricher. Eh, mais toi, que tu te fasses prendre, toi. Hop, le surveillant, il te voit là, dans une situation peu suspecte. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est pas moi, c'est lui qui a commandé tricher. Bah, il va dire que c'est moi, mais moi, je vais dire que c'est lui qui a commencé. Bien vu, Christophe. Rejeter une excuse sur l'autre. Non, on va pas dire que c'est garçon, on va dire que c'est lui. Tu prends le petit bout de papier, tu le lances sur ton voisin. Ah oui. Bon, allez, Juliana, vas-y. Que fais-tu avec? Avec quoi? Avec le téléphone. Ah bah, elle a répondu. Oui, j'ai déjà répondu. Elle a répondu. Que veux-tu faire plus tard? Alors, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Alors, je sais pas trop. Je voulais peut-être faire maîtresse d'école, mais... Trop dur. Je sais pas trop, parce qu'il faut aller, à la fac, et du coup, il faudrait travailler tout le temps, et moi, je veux travailler, du coup... Travailler, aller à l'école en même temps. Ouais, voilà. Je voudrais travailler et en même temps aller à l'école, donc je sais pas trop. On travaille à la pizzeria. Bah après, il n'y a pas de saut métier, hein, Christopher, tu sais. Oui, Timothée. Moi, je sais ce que je vais faire plus tard. Tu veux faire quoi? Dresseur d'otarie. Hein. Dresseur d'otarie. Ah. Voilà. Alors, ça fait plusieurs années qu'il nous dit ça, ouais. En plus. Alors, pourquoi pas les dauphins, Timothée? Pourquoi les otaries? Hein? Parce que les otaries, c'est plus gentil. Ah bon? Ouais. Ah, les dauphins, c'est particulier? C'est gentil. Ah t'es agressif? Non, c'est un petit peu moyen. Hein. C'est un petit peu moyen. Mmh. Ah. Alors, dresseur d'otaries. Voilà. Bah c'est mieux d'enfant parce dans que... un zoo en plus. Dans un zoo. Ouais. Donc tu ferais des spectacles. Voilà. Avec Maya. Elle jette le poisson. Maya il aurait sauté dessus. Maya jetterait le poisson. Elle est là. Peut-être Timothée il aurait poussé Maya dans les requins. Ce serait pas très gentil. Mais on sait pas. Soit il aurait jeté une souris dans l'eau. Oui, alors je crois pas que les otaries mangent des souris. Mais non, pas les otaries, les requins, j'ai dit. Alors, Maya, maîtresse d'école, c'est quand même combien d'années ça pour faire maîtresse d'école? Je sais pas trop. C'est pas. Et puis alors, si jamais tu fais pas maîtresse d'école, qu'est-ce qui te tenterait? Bah, travailler dans les meubles, tout ça, pour décorer les maisons, peut-être. Ah, décoratrice d'intérieur. Ouais, ou... peut-être, ouais. Ça rapporte, ça. Ça rapporte. Tu crois, Christopher, que ça rapporte? Sur le compte, 1 million d'euros. 1 million d'euros sur le compte. Allez, hein, ouais, au bureau de travail, hop. Ça, c'est déjà des bons chantiers. Hein. Oui, Timothée. C'est les chats qui mangent les souris, Nathan. C'est pas des otaries. Voilà, toi Timothée, il te précise. Ben non, les requins, j'ai pas dit les otaries, j'ai dit des requins. Nathan, ne change pas de sujet. Non, au début, j'ai dit les requins. Non, arrête. Il a raison dans ce qu'il dit. Ben, j'ai dit des requins au début.

Ouais, c'est pas mon préféré, mais ouais, ça va. T'aimes bien, toi? Ouais. Ah ouais, il est classe. Originaire de la Casa de Papel? De quoi? La série, la Casa de Papel, là. Ah oui, la Casa de Papel. Ouf. J'ai jamais regardé, mais... C'est quoi, ça? La Casa de Papel? Ouais. Ouais, c'est pas trop nous. Hein. Amir? Tout le monde en parle. Attends, mais c'est quoi, Christopher? Je sais pas. Ah bah, tu parles là. Tout le monde en parle, alors. Tout le monde en parle? Marc, tu connais, toi? C'est comme ça. Redresse-toi, Nathan. Voilà. Oui, mais c'est quoi, ça? Ça veut rien dire. Bon, okay. Sur Internet. Amir? Ouais, j'aime bien aussi Amir. Quel duo? Ouais, avec maman, on écoute, elle a le CD dans la voiture. Black M. Ouais, Black M, c'est cool. Stromae. Stromae aussi, j'aime bien. Vous écoutez pas Jules? Ouais, Maître Gims. Ouais. Et Jules? Non, Jules, j'aime pas. Quoi, vous aimez bien, vous? Oui. Jules, vous aimez bien? On a jamais la radio du tout. Tout sauf ça. Ah bah, ça fut une grosse erreur. Ouais. Tout sauf ça. Il y en a qui mettent Jules à la radio. Tout sauf ça. Pour dire qu'il faut se méfier dans vos choix, hein, parce qu'il faut mieux écouter. Il y en a plein qui le font. Il y a Louane. Ouais, Louane, c'est bien. Soprano. J'aime bien aussi, ça va. Bon, t'aimes. On va arrêter, ouais, on va pas citer tous les chanteurs. Paris. Non. Dixie United. Stop. Une autre question. Johnny. Pour Maya. Quels sont tes loisirs, Maya? Mes loisirs. Alors, avant, je faisais de l'athlétisme, mais j'ai dû arrêter parce que j'ai un problème de dos. Du coup, je peux plus en faire. Du coup, bah, des fois, je fais un petit peu de vélo avec mes petites sœurs ou avec Timothée. Avec Jade. Sinon, ouais, avec Jade. je joue avec mes frères et sœurs. J'aime bien prendre des photos aussi. J'écoute de la musique. Je lis des livres aussi. Ah, c'est voilà. Aussi sur YouTube. Oui. Ah, tu vois, Maya, elle lit des livres. C'est tout ce que vous aimez aussi, ça. Oui. Hein, lire. On préfère aller sur YouTube. Vous aimez bien lire? Pas trop. Pas trop non plus. Je préfère aller sur YouTube. Et toi, Camille, t'aimes bien lire? Oui. Mm-hmm. Est-ce que vous avez compris quand Maya a parlé d'athlétisme? C'est quoi? Non. Elle court. Elle fait du pédalo. Du pédalo en athlétisme. Oui, non, elle fait des pompes. Des pompes. Elle fait ça. Oui, réchauffement, oui, bruit, voilà. Elle court. Elle court et puis... Elle va à la piscine. Nage. Non. Moi, je fais souvent des pompes. Ouais. À la maison. Ah bah, la piscine, elle fait ça. Elle nage. Ah oui. Ah voilà, parce qu'elle fait ça, tu sais, les gens qui écoutent, ils savent pas. Hein. Ah bah, la piscine, elle fait ça. Non, j'aime pas trop la piscine. T'as pas peur, tu sais pas nager? Si, je sais nager, mais... Non, elle fait de la boxe. Moi, je sais nager sous l'eau. Hein. Toi, tu vas de temps en temps, t'as dit, hein, Timothée, à la piscine. Ouais. Et alors, c'est vrai en plus. Hein. Comment? C'est vrai en plus. Ben oui, c'est vrai, bien sûr. Alors Maya, est-ce que tu as des goûts en commun avec Timothée? Bon, regarde le foot. Le foot? Sinon, oui, mais faudrait chercher, je sais pas trop. Et alors Timothée, il aime bien dessiner. Est-ce que toi, ouais, j'aime bien dessiner aussi de temps en temps. Matt Bastard. Matt Bastard. Est-ce que vous faites le même style de dessin? Parce que Timothée, il est axé Minecraft, hein, quand même. Oui, hein, non. Dessins, tout. Non. On ne fait pas le même type de dessin. Les Pokémon. J'aimais bien quand j'étais petite, mais là, j'aime plus trop. Bon, je crois que Timothée, il a un peu abandonné aussi, ouais. Ça. Là, hein? Il est plus sur Minecraft. Oui, voilà. Hein, Timothée? C'est moi qui l'ai montré top, le jeu. Top. Timothée. Je fais souvent des dessins Minecraft, mais voilà. Oui, un peu sous forme de BD. C'est ça? Oui. Oui, des petites scénettes, c'est bien, hein? Oui. C'est intéressant, mais là, ça a tendance à t'envahir quand même. Tu passes beaucoup de ton temps hein, après ça, quand même. Hein. Ah, bah, à la maison, ils jouent beaucoup aussi. Ouais. Ils jouent beaucoup à la Wii. Ouh. Et ça, c'est vrai. L'électricité. C'est vrai? Oui. Je sais. Elle joue beaucoup à la console, Timothée. Oui, Timothée joue beaucoup à la console. Toute la nuit. Non, pas toute la nuit, mais la journée. Quand il fait beau, des fois il fait super beau et il préfère jouer à la Wii. Des fois on est obligé de... Et quand il pleut, tu fais quoi? On l'oblige à arrêter parce qu'il joue beaucoup, Timothée. Il est passionné. Hein? C'est sûr qu'il fait des gros. Mais là, je sois trop non plus. Maya, faut vendre la Wii U, acheter de la Wii Sweeps. De quoi ? Ça fait de la pub là, c'est pour une. La voiture, la voiture suit. Je connais pas ça, je sais pas ce que c'est. Mais la nouvelle console après la Wii U. Il y a une nouvelle console. Ah oui, ouais, j'ai vu sur une pub. Bah écoute, t'en parleras à la maman de Timothée, parce que je pense que parce que c'est bien, il y a aussi Mini Trust. Ça faut bon, Stimon, c'est bien le dire. Moi, je peux pas le prononcer, j'ai du mal à le dire. Oui, oh, bon, c'est pas très grave. Genre, Timothée fait des grandes mises dans le jeu qu'il fait, Timothée. Est-ce qu'il s'énerve? Attends, Christopher a posé une question, tu attends. Est-ce qu'il fait des grandes mises dans le jeu? Oui, des fois il fait des grandes maisons, bah il fait des belles choses, il construit des belles maisons sur Minecraft, mais après il joue trop quoi. Après, il est fort, hein, mais je vois pas trop à quoi ça sert. Voilà. Vous dire c'est moi le champion. Elle fait des pièces. Dans les maisons, il met des murs partout, ouais. Fait beaucoup de pièces. Moi, on a fait une grosse maison, mais partout. On survit, on a mis plusieurs heures à la finir. Alors, par exemple, si vous faites des sorties particulières, quels sont le type de sorties que tu aimes bien faire ? Jean Lépèce. En famille. Christopher, est-ce que c'est à toi que je pose la question ? Non. Aller à la piscine de temps en temps. Ouais, c'est ce que je disais. Sinon, on va se promener aussi. La dernière fois, on avait fait une grande balade à Rochesson. On était allé jusqu'en haut, à la Roche des Ducs. On avait marché au moins 3 heures. Ouais, c'était sympa. C'est dur. Et Timothée a tenu le coup. Ouais, bah, il était bien devant. C'est bien. Ouais. Bravo. Tu es endurant. Ah ouais, bien. Il avait bien marché. Sinon, ouais, des fois, on va faire du vélo, on va se promener. Ça m'a fait mal à mes petits papates. Ça fait mal à tes pieds. Ouais, mes petits papates. Oui, mais c'est bien parce que tu prends des muscles, Timothée. Ouais. Hein ? Et le roller, c'est mieux ? C'est bien, ça. Ouais, pétanque. Et sinon, parc d'attractions, vous êtes déjà allé Ouais, on est allé. On va à la ferme aventure aussi, on y est déjà allé. Ça, vous êtes déjà allé au lit plus. À Frépertuis ? Plus jeune. Mais on y était allé, mais il y a longtemps, à Frépertuis. À Repapa. À Repapa. On n'y est jamais allé. Enfin, moi, j'y suis déjà allée avec une copine, mais Timothée, il n'y est jamais allé. Timothée, tu feras des photos, hein ? Pour envoyer Maya. Ouh, regardez où je suis allée. Au Papa Park. Je sais. Ouais. Oui. Le grand parc d'attractions de Paris. Ah, Disney. Ouais, Disneyland. Tu es déjà allée, toi ? Non. Mais j'ai déjà vu dans une vidéo. Mon cousin m'a montré ça une fois. Ah ouais ? Bon, en même temps, Europa Park, c'est le plus gros parc d'Europe. Hein. Non, c'est celui de Paris. Non. C'est et en plus, Disney, la plupart de leurs manèges, ça vient d'Europa Park. Hein. Ouais, mais c'est pareil. Non. Il y a des manèges qui n'y a pas Europa Park. Tu as déjà été à Frépertuis ? Oui, je suis déjà allée à Frépertuis aussi. Il y a longtemps. Qui n'est pas allée à Frépertuis ? Ça fait longtemps que je suis pas allée. Oui, il y a des nouveaux manèges. Hein. Attends. Eh ben, on attend. Nathan. Quoi ? On ne se moque pas. Non, je soufflais. Je siffle. Ça revient, là, Timothée ? Mais non, ça vient. Ça vient pas. Bon, le temps que ça revient, on va donner le mot de la fin à Maya. Sur ses impressions d'être venue à Radio Gemozo aujourd'hui. Alors moi j'ai trouvé ça super sympa d'être avec vous. Et en plus c'est la première fois que je ferai des photos. Hein. Alors ouais c'est intéressant de voir comment ça se passe. Des photos. Puis vous êtes super gentil. Alors voilà c'est super. Merci beaucoup. De rien. Tu avais imaginé que ça se présentait comme ça, le studio, tout ça ? Non pas trop. Je voyais pas ça comme ça. Ouais non. Bon, bah voilà. Hein. Et vous alors, content d'avoir rencontré Maya ? Oui. Voilà. On connaîtra bientôt toute la famille. Hein. C'est vrai, le frère, le père. Qui c'est qu'on connaît pas encore ? Le grand frère à Timothée. Oui, comment il s'appelle ? Théo. Et Florentin. Florentin. Et le papa. Et le papa. J'ai déjà vu une fois son papa. Garçon. Attendez, Timothée a retrouvé sa question, je pense. Oui, mais Théo, il est parti. Oh, mais ça fait rien. Il est loin. Pas trop. Oui, non? Oui. Oui, pour toi, il est loin, quoi. Hein, il est plus à la maison, il est loin. Ah, il est très loin. Eh bien, écoutez, il a dormi en haut et moi, j'ai dormi en bas. Ah ouais. Eh bien, écoutez, il va falloir rendre l'antenne. Donc, on va remercier Maya. Hein, merci beaucoup. Merci Maya. Ouais, merci à vous. Et puis, on se dit, prochaine émission, c'est le 11 vu que juillet. On n'est pas là, mercredi, là. Oui, avec qui? Quoi? Avec qui, le 11? Avec Martenbrook. Non, c'est pas même ça. Christelle Labrousse. Avec Madame Labrousse. Et ce sera la dernière émission de la saison. C'est ça, le... Et voilà. Après, on est en vacances. Au revoir. Oui, tout prêt. Allez, on dit au revoir à tout le monde. Et merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Posez-vous bien. Au revoir. Bonne fête de Noël.